Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour à tous, bienvenue dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Aujourd'hui, je suis avec Alice Six et Violaine Lecoané, et bien sûr Lise, pour parler sport de haut niveau et maternité. Alors bonjour Alice et bonjour Violaine. Violaine dites View, je le dis tout de suite, hein, si on se trompe dans le, si je me trompe dans les prénoms. Alors on va commencer par les présentations. Donc je commence par Violaine, sprinteuse, championne de France Master sur 100 mètres en 2023, vice-championne du monde de relais 4x100 mètres en 2024. Et comme je t'ai demandé un titre marquant, pas forcément la meilleure perf mais le plus marquant, c'était la première qualif individuelle en UNSS en minime en 12 secondes 50. Alors tu peux me dire l'année ? Alors, c'est pas 12,50, hein, c'est 10,49. Ah, pardon. C'était du 80 okay. mètres, pas du 100 mètres à l'époque. Et c'était 1998. 1998, donc c'était. Alors, c'est indiscret, mais du coup, t'as quel âge en fait ? 40 ans. 40 ans. Donc, on est aujourd'hui pour parler haut niveau et maternité. Donc, t'es la caution plus de 40. Enfin, plus. Voilà, hein, t'as la quarantaine. Oui. Avec moi. Donc, et donc, maman depuis 2017, de Constance, depuis décembre 2017. Donc si on compte, t'as 40 ans, Constance a 7 ans, tu l'as donc eu à 33 ans. C'est ça. D'accord, on est dans la moyenne. Enfin, dans la moyenne, il n'y a pas de moyenne, mais c'est, voilà. Bref. Alice, donc oui. Alice, pareil, coureuse, 3 titres nationaux, championne de France relais mix 2021, championne de France relais medley long sur piste 2019. Relais medley, tu peux m'éclairer ? Oui, le relais medley, en fait, c'est sur plusieurs distances. Donc, on était 4 filles. Je ne veux plus dire de bêtises parce que ça commence à remonter, mais il y avait 800 mètres, il y avait 1600 mètres. C'est, en fait, c'est un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Donc, 400, 800, 1002 et 1006. Ah, la première, elle en fait qu'un et puis la quatrième, elle en fait quatre. C'est ça. C'est l'arnaque. Un peu. Donc, on continue sur les titres. Championne de France, 800 mètres, senior féminin en 2016. J'espère que le chrono est bon là. 2 minutes 13 secondes et 15 centièmes. C'est ça. Et en 2022, 1h19 et 14 secondes sur semi-marathon de Nancy. Donc ça, c'est pareil, c'est ton titre marquant parce que c'est, oui. C'était pas forcément ta distance au départ, t'es pas trop sur du long. Pas du tout, oui. Voilà. Et donc tu peux nous éclairer un petit peu sur l'orientation semi en 2019 ? Eh ben oui, en fait, c'est que j'étais un peu en burn-out au niveau du 800 mètres et du 1500 mètres sur la piste. Je ne pouvais plus du tout faire de mes entraînements sur la piste, j'y arrivais plus. Et du coup, mon coach, Fred Fabiani, qui est le même que SuiteView, m'avait tout adapté et je faisais tout sur route, en fait. D'accord. Et en fait, je suis arrivée au semi, pas du tout préparée pour du semi, mais j'ai adoré et ça ne m'a pas semblé long du tout et vraiment... C'est pas que je l'ai fait les doigts dans le nez, mais ça m'a paru tellement facile sur le coup que voilà. Tu t'es dit, allez tiens, je vais multiplier la distance par, par plus de 10 tout de suite. C'est ça. Donc ça, c'était 2022, et donc tu es maman d'Ulysse depuis novembre 2023. C'est ça. Alors, je suis pas trop forte en calcul, mais le SMI, il a lieu en mars, moins 9 mois. Ulysse, il a fait le SMI aussi, non ? Non, c'est un an d'écart. Un an d'écart. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, 2019. Autant, c'est ça. Autant pour moi. donc on est là pour parler haut niveau et maternité. Donc le haut niveau, on l'a présenté avec votre palmarès, enfin une partie de votre palmarès à tous les deux. Et vous avez toutes les deux baigné dans l'athlétisme depuis votre naissance avec des résultats performants très jeunes. Hein, je parle pour View là, en minime déjà. Et est-ce que pour vous, la maternité a toujours été une évidence ? C'est-à-dire que en étant petite, est-ce que vous vous êtes dit « Bon, alors l'athlé, ok, c'est mon truc, mais de toute façon, j'aurai des enfants un jour ou pas ?» Qui commence ? Bah, je veux bien commencer. Ouais. Pour moi, pas du tout. Je voulais pas forcément d'enfants. Ça s'est déclaré assez tard, et encore, c'est parce que mon compagnon, Benjamin... me mettait un petit peu la pression parce que lui, il a 4 ans de plus que moi. Ouais. Et il avait très envie d'être papa et ça faisait 8 ans qu'il me, qu'il me harcelait pour avoir un enfant. Moi, c'était pas du tout dans mes priorités et encore maintenant, c'était pas un désir, quoi. Le désir, il est venu en ayant Ulysse, mais non, j'étais pas du tout dans... Je me suis jamais imaginée petite, avoir des enfants, tout ça. C'était la poupée, pas, c'était voilà, pas mon truc. C'était pas écrit dès le départ. Voilà. Et toi, Violaine? Alors moi, comme Alice, c'était pas du tout prévu, on va dire. Si j'en avais, j'en avais. Si j'en avais pas, j'en avais pas. C'était pas un objectif de vie comme certains peuvent avoir. Un aboutissement, quoi. Oui, ouais. Voilà. C'est s'il y a, bah il y a. Mais s'il y a pas, je vivrai aussi bien sans. Enfin voilà, je me posais pas du tout la question. D'accord. Et au niveau de vos performances, enfin performances sportives, c'est-à-dire que comme tant que ça perf, on sait que forcément pour avoir un bébé, il va y avoir une pause. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'hésitation à se dire, ben je perf en ce moment, j'ai pas du tout envie de m'arrêter, donc potentiellement, est-ce que je vais m'arrêter pour faire un bébé ou pas? Moi, pour ma part, c'est arrivé sur le fameux burn-out que je décrivais tout à l'heure. Ouais. Donc en fait, c'était une phase de ma vie où j'en avais marre de l'athlétisme, de la course à pied. J'avais besoin d'autre chose. Donc ça s'est posé un petit peu comme ça. Ça tombait au bon moment. Ça tombait au bon moment, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup retardé le fait d'avoir un enfant parce que je me sentais performante et qu'il était hors de question d'avoir un enfant au moment où je m'éclatais en athlé, quoi. Voilà, la priorité, c'était à un moment donné, c'était l'athlé. Oui. Et tu te serais jamais dit, non, bon, je veux absolument un enfant et je vais arrêter maintenant, quoi. Non, non, non, ouais. Violaine, la même chose? Alors moi, rien calculé du tout. Déjà, il a fallu trouver la bonne personne. Et quand ça a été chose faite, quand on a dit qu'on voulait faire un enfant, ça a marché du premier coup. Donc ouais. Je me suis retrouvée devant le fait accompli. Hein. D'accord. Et non, dans ma tête, c'était pas... Enfin, il n'y a pas eu un frein. Je me dis, bon, bah, tu vas être enceinte, mais derrière, ça va repartir. Ça, c'était par contre, c'était écrit. Dès le départ, tu t'es pas posé la question, est-ce que je vais continuer derrière? Ah non, je me suis pas posé la question, c'était sûr. Ça, voilà. Alors, tu me parles de... Ça a marché du premier coup. Donc, justement, d'après une étude américaine, avant 30 ans, la probabilité de tomber enceinte en un an est de 85%. À 30 ans, cette probabilité est de 75%. À 35 ans, ça chute à 66%. Et à 40 ans, la probabilité de tomber enceinte de 12 mois à 12 mois est de 44%. Alors la première question, c'est déjà, est-ce que vous avez conscience de cette chute de la natalité ou pas? C'est des choses que vous connaissiez ou pas? Une petite idée? Bah, disons que moi, c'est comme View, il est arrivé tout de suite, dès le premier essai. Mais j'en avais conscience et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté la contraception en me disant oui comme ça dans l'année ça devrait arriver quoi. Et puis en fait c'est arrivé tout de suite, j'imagine c'est comme You. Ouais, exactement. Mais j'en avais un peu conscience aussi, mais ouais. Finalement j'ai pas été dans ces statistiques là quoi, enfin. Enfin, c'est surtout dans le fait que tu me dis j'étais performante, donc je pensais pas du tout à m'arrêter. Est-ce qu'il y avait quand même pas ce petit tic-tac, entre guillemets, en se disant, bon, je suis en train de perfer, là, je suis au sommet de ma forme. Par contre, si je veux un enfant, il va pas falloir que j'attende 10 ans, parce que sinon, ça risque de moins bien marcher. Ça, tu t'es pas trop posé la question non plus? Je crois que je m'étais dit qu'à partir de 32 ans... Ouais. Donc c'est l'âge auquel j'ai eu Ulysse. Ouais. Je m'étais dit dans ma tête 2-3 ans avant, ouais, vers 32 ans, il faudra quand même que je commence à faire quelque chose. À faire quelque chose, mais je me mettais pas la pression. Non. Voilà. Et toi, Violaine? Oh, moi, je me suis jamais mis la pression. Après, oui, quand j'ai passé 30 ans, enfin, on se dit, j'ai pas envie de faire un enfant à 40. Même s'il y en a qui le font, mais c'est quand même, enfin, ils ont du courage. Alors, c'était pas dans les risques de que ça marche pas. C'était plutôt dans l'optique d'être une jeune maman, pas âgée. Oui, j'avais pas envie d'être maman âgée. Mmh. Et non, je me suis jamais posé la question sur le fait que ça marche ou ça marche pas. Pour moi, la nature. Ben voilà, elle fait son rôle, si elle doit le faire, elle le fait. Ben, des fois, ça marche pas pour tout le monde. Mais moi, je suis un peu comme Alice, j'ai arrêté la contraception en me disant, ben, souvent en plus, beaucoup de gens tombent enceintes, mais elles font une fausse couche quand elles ont pris la pilule contraceptive pendant longtemps. Je m'étais dit, on sait jamais. Et en fait, non, pas du tout. Je l'ai à peine arrêté que... Voilà. Performante partout. Ouais. Alors voilà pour les présentations. On va faire une petite pause musicale avec un clin d'œil Alice et Ben. C'est pour vous, c'est Ridan. Heureux qui comme Lys a

Comme on l'a évoqué avec Lise, les défis principaux évoqués post-maternité sont l'organisation de l'emploi du temps et le retour à l'ancien niveau. Donc, la première question, c'est pour Violaine, puisque toi, tu as repris, en fait, vu que Constance a 7 ans. Comment ça s'est passé, le retour sur la piste ? C'était horrible. J'avais l'impression que j'avais jamais fait de l'athlétisme de ma vie, que j'étais un éléphant en courant, enfin, c'était affreux. Donc, physiquement très dur. Alors pourtant, j'avais refait du physique avant. Ouais. J'avais refait aquabike, tout ça. Et en plus, j'ai eu la chance de ne pas avoir de problème de périnée. Donc, c'était quand même plus simple. Mais moi, je fais du sprint. Et j'ai trouvé que tout ce qui était cardio, ça revient très vite. Ouais. Mais par contre, les fibres rapides, alors là, il faut s'accrocher. Hein. D'accord. Ouais, ça donc, met du temps à revenir. Physiquement, c'est dur. Et du coup, moralement, comment t'acceptes ça ? Moi, j'ai jamais baissé les bras. Je me suis dit non, mais ça va revenir, j'y crois. Ouais. Donc voilà. Après, ça n'a pas été facile parce que le temps qu'on arrive à revenir, il faut du temps. Plus on est âgé et plus ça prend du temps. Ouais. Et en plus, derrière ça, il y a eu le Covid après. Ah oui. Oui, parce que le temps qu'on revienne, voilà, on accouche fin 2017. Je m'étais laissé quand même 2 ans au moins parce que le temps de se reconstruire. Et après, Covid, c'est pas facile. Alors, donc 2 ans, c'était le temps de retourner à ton ancien niveau, que tu t'étais laissé, c'est ça, à peu près. Après l'accouchement, tu reprends combien de temps après ? Alors moi, déjà, j'ai pas beaucoup arrêté quand j'étais enceinte. Oui. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne grossesse. Ouais. Donc, je faisais encore de la musculation, par exemple, jusqu'à 7 mois de grossesse. Avec un suivi médical, bien entendu. Le médecin m'avait dit si ça va bien, il n'y a pas de souci. Okay. Hein. Et moi, ça allait très bien. Donc, voilà. Et après, j'ai accouché mi-décembre et j'étais sur le stade en février, fin février. Ah oui, donc un petit 3 mois, quoi. Oui. Et je faisais de la compète mi-mai. D'accord. Oui, motivé. Hein. Et au niveau du corps, tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé ? Enfin, au niveau du bassin, par exemple, le bassin s'élargit un petit peu plus ou t'as quelque chose, des appuis qui changent ? Non. Pas spécialement. Non. T'as repris ton poids très rapidement, ton poids d'avant grossesse ? Moi, aucun souci avec ça. Enfin, je pense qu'être sportif, en fait, ça aide. Ça aide. Ah oui, grandement. Oui, le corps est il a une mémoire, est bien huilé, quoi. Ouais. D'accord. Tes anciens chronos, par rapport à tes anciennes perfs, ça se passe comment dans ta tête ? Tu mets un mouchoir sur tes anciens chronos, tu les abandonnes ou tu te dis « je vais les retrouver » ou alors tu te dis « bon ben je vais pas reprendre exactement les mêmes épreuves » histoire de repartir sur des nouvelles bases ? Ça se passe comment ? Alors moi je pouvais pas faire de nouvelles épreuves parce que... 100 mètres c'est 100 mètres ? Ouais voilà c'est ça et je suis pas coureuse de 400 donc aucun risque. Et puis le saut tout ça, enfin j'en faisais jeune mais c'était pas mon truc. Alors après, il y avait aussi les chronos quand j'étais très jeune. Oui. Là, je savais que c'était pas possible. Donc, cela, on les oublie. Ouais. Mais par contre, faire à minima ce que je faisais avant d'être enceinte, oui, c'était l'objectif. D'accord. Et j'ai atteint cet objectif, je l'ai même dépassé. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais c'était inconcevable pour toi de ne pas retrouver ce niveau-là. Je sais pas si c'était inconcevable, mais c'était un but. Et si j'avais ce but, il fallait que je puisse l'atteindre. D'accord. Voilà. Donc Alice, je te pose la même question. Par rapport à tes chronos d'avant, toi tu, par exemple, tu m'as dit que le SMI, c'est-à-dire les plus longues distances s'intéressent, là tu comptes repartir, est-ce que tu comptes reprendre déjà la compétition ? C'est une grande question. J'aimerais énormément reprendre la compétition. Ouais. Après je pense que, enfin c'est intéressant d'entendre View. De toute façon je l'avais déjà en modèle quand j'étais enceinte, je me dis ouais View elle a repris tout de suite tout ça. Moi, c'est un peu plus compliqué parce que je pense que j'ai des rêves de revenir à très bon niveau en course à pied. Mais d'un autre côté, je suis tiraillée parce que je me sens très coupable de laisser Ulysse. Et contrairement à View, je peux pas l'emmener sur la piste parce que, enfin, moi, si je fais des sorties longues, enfin, en poussette, ça va 5 minutes. Hein, ouais, voilà. Et je peux pas faire des tours de piste actuellement. Et donc, du coup, je peux pas le ramener sur la piste, quoi. Et oui, mais j'aimerais énormément reprendre. Après, est-ce que je pourrais reprendre du 800 mètres et du 1500 ? J'ai plus de doutes. Mais me reconvertir un peu sur 10 km et sur semi, je pense que c'est... Voire même sur 5 km. Ouais. Là, je pense que c'est abordable. Alors plutôt pour par aspiration parce que c'est ce qui te plaît maintenant de courir du plus long ou c'est parce que tu penses que tu ne referas jamais tes chronos et du coup tu veux pas retenter. Sincèrement, ouais. Je pense que là quand je vois avec un footing par semaine ce que j'arrive à refaire, si je pense que j'arriverai à retrouver D'accord. mon niveau, il y a aucun souci là-dessus. Par contre, c'est plus est-ce que j'arriverai à remettre le même investissement qu'avant Je ne suis pas sûre. Tes priorités ont changé quand même, donc. Mes priorités ont changé et j'ai toujours ce petit sentiment affreux de culpabilité de me dire que j'abandonne mon fils et, et j'ai du mal. Il faut que je travaille là-dessus. Voilà. Ton idée à toi, You? Alors, moi, je n'ai aucun sentiment de culpabilité. J'estime qu'il faut que la maman soit bien pour que l'enfant soit bien. C'est vrai. Et en fait, oui, j'ai fait un enfant. Alors, on dit que faire un enfant, c'est égoïste. C'est ce qu'on dit hein, souvent, parce que c'est pour soi qu'on le fait. Mais en même temps, moi, j'ai besoin d'avoir ce temps-là pour moi et pour être vraiment disponible pour ma fille et faire des choses avec elle. Après, elle le sait. Oui. Enfin, il n'y a pas du tout de souci là-dessus. Mmh. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est hyper ouvert. Et, ouais. Mais voilà, Constance, elle sait. Elle dit, maman, c'est l'athlétisme. Voilà, ça ne la gêne pas, en fait. Elle en a complètement, conscience. Et je pense que ça faisait partie de moi. Donc, d'accord. Si c'était pour que je sois malheureuse et que je me sacrifie, entre guillemets, enfin, j'aurais pas été bien. Donc, pour moi, il n'y avait pas de, voilà, il y avait pas d'intérêt, on va dire. Mais non, je culpabilise pas par rapport à ça. Pas par rapport à ça. Non, mais j'ai conscience que c'est un travail que j'ai à mener. Hein. C'est pas, j'ai conscience qu'il faut, aussi se mettre, comment dire, prendre du temps pour soi. Ouais. Et ça, c'est être bien dans sa tête pour être bien, tête. Avec le bébé. Exactement. Quoi. Et ça, je sens que je suis pas encore dans cet équilibre-là un an après. D'accord. Pour ma part, oui. Parce que, donc, toi, Violaine, en fait, bah, Constance, on l'a vu sur le bord de la piste dès le départ. Vous en parlez toutes les deux ensemble elle en parle toute seule Oui, enfin, elle sait quand elle vient souvent à l'entraînement avec moi quand son papa n'est pas là. Donc, elle a l'habitude. Ça lui plaît. Ah oui, elle dit oui, je sais, je vais à l'athlétisme. Okay. Elle aime bien parce que c'est le moment dessin animé qui n'a pas droit à la maison si elle vient à l'athlétisme. Il y a un petit bonus. Oui, exactement. Et après, elle sait quand je vais au championnat de France, ah, tu ramènes une médaille, hein, qu'elle dit. Enfin, voilà, ah oui, c'est ta première fan, quoi. Ah, exactement. Quand elle m'encourage dans les tribunes, je l'entends. Alors, est-ce qu'elle se dirige vers l'athlé? Elle en pratique juste parce que j'encadre, mais je ne la force pas. Et ça lui plaît ou pas? Je pense qu'elle aime bien comme ça, mais pas plus. Sans plus. En plus, à l'âge-là, c'est compliqué quand même. C'est plutôt de l'éveil moteur. Enfin, oui. Moi, si elle a envie de faire... tant qu'elle fait du sport, ça me va. Alors, c'était ma question. C'est est-ce que tu la diriges, t'aimerais bien... Est-ce que toi, au fond de toi, t'aimerais bien qu'elle fasse de l'athlé ou n'importe quel sport? Non, le sport qui lui plaît. Le sport qui lui plaît. Moi, j'ai eu la chance de choisir mon sport. Ouais. C'est-à-dire, j'en ai fait plein quand j'étais gamine parce que mes parents m'avaient inscrite. Mais un jour, j'ai dit à mes parents, c'était à la fin du CM2, j'ai dit, moi, je veux faire de l'athlétisme. Vous m'inscrivez à la rentrée, à l'athlé. Je cours plus vite que les garçons. On y va. Ils ont dit d'accord. Et alors toi, Alice, idem, sauf que, sans extrapoler, j'ai le droit de citer, ton compagnon, c'est Benjamin Schocker, donc bien connu du palmarès lorrain, même pas nancéen. Donc, au vu de ses parents, s'il se dirige vers l'athlé, Ulysse, il va avoir une petite pression quand même au niveau des résultats, je pense. Donc, est-ce que vous en avez déjà parlé ensemble? Est-ce que tu aimerais qu'il fasse de l'athlé? Est-ce qu'au contraire, tu aimerais qu'il ne fasse pas du tout de l'athlé, qu'il aille vers un autre sport pour ne pas subir cette pression? On en parle ensemble, on en rigole en se disant c'est vrai que bon avec nos gènes ils devraient quand même être pas trop mauvais. Ouais, c'est ça. Mais après comme on dit, comme a dit View, on fera, on l'accompagnera vers ce qu'il a envie de faire. Ouais. C'est vrai que je serais fière s'il allait vers la course à pied, mais s'il se met au foot, ça nous conviendra aussi, quoi. Mais ou autre, hein. Ou autre, n'importe lequel. Oui. Mais il n'y a pas de... au contraire, à se dire, ça va être vraiment pour lui, il va y avoir comparaison, et donc on préférerait qu'il fasse autre chose. Non. Il restera libre. Parce qu'en plus, je pense qu'il trouvera sa propre voie. On voit beaucoup, d'ailleurs, dans le milieu de l'athlétisme, des enfants d'eux, qui percent et qui font souvent mieux que leurs parents d'ailleurs. Mais ce qu'on veut pas, c'est lui mettre une pression d'enfer et puis le forcer, quoi. C'est juste ça. Après, il fera ce qu'il a envie de faire. Voilà. D'accord. On sera fiers. On sera fiers, quoi qu'il arrive. Ça. Exactement. Alors, une autre question aussi pour. Donc, surtout pour Alice, parce que ton compagnon également est coureur. Alors, Violaine, je ne sais pas si ton compagnon est sportif également. Peut-on considérer le golf comme un sport? Je plaisante. Et il fait du golf. Il fait du golf. C'est surtout que donc Benjamin est sportif de haut niveau également, donc tous les deux de haut niveau. On essaie de tendre vers l'équité. Alors, pas l'égalité, mais l'équité au niveau sport féminin, sport masculin, au niveau des traitements médias, par exemple, à tout hasard. Par contre, sur ce sujet-là, clairement, il n'y aura jamais d'équité. C'est-à-dire que une femme, si elle a un désir de maternité, va forcément être obligée de faire une pause dans sa carrière. Alors que Benjamin, concrètement, Ben, à part le jour de l'accouchement, j'espère qu'il est venu. Il était là. Il était là, voilà. Mais sinon, concrètement, ça l'oblige en rien. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce sujet ? Est-ce que, alors, sans parler de, pas forcément de la jalousie, mais un petit sentiment d'injustice quand même ? Un petit peu. Je vais être franche. C'est vrai que Benjamin a beaucoup changé sa manière d'être depuis qu'il est papa. Mais en plus, lui, il est au niveau rémunéré. Enfin, c'est son gagne-pain. Donc, la question ne se pose même pas. En fait, c'est moi qui m'occupe un petit peu plus du petit, dans le sens où lui, bah, faut qu'il s'entraîne quoi qu'il en coûte. Et très concrètement, bah, ça sous-entend que souvent, j'aimerais aller me faire une petite sortie, mais bah, je peux pas parce que... Bah parce que le papa doit aller s'entraîner. Donc oui, il y a un petit sentiment d'injustice, mais d'un autre côté, je sais que lui, c'est son métier, et moi, c'est pas le mien. Je travaille à l'hôpital à côté, je suis kiné. Donc forcément, bah, pour l'instant, je ronge un peu mon frein. Je me dis que quand Ulysse sera un petit peu plus grand, un tout petit peu plus grand, et puis que le printemps viendra, par exemple, je pourrais l'emmener au stade, voilà. Mais je prends mon mal en patience. Et sinon, dans le traitement en général de la maternité, c'est-à-dire qu'on entend quelquefois des femmes, des sportives de haut niveau, qui après grossesse se trouvent écartées des équipes de France, ou du sport de haut niveau. Vous en pensez quoi, d'une manière générale ? Ça a quand même bien évolué, mais il y en a qui ont osé parler. Hein, à l'époque, il y avait Alison Félix, qui avait parlé sur le fait que l'équipementier Nike lui retirait une partie, en tout cas, du sponsoring. Ça a quand même, je trouve que les sponsors ont évolué par rapport à tout ça. C'était pas le cas il y a 10 ans. Ça veut dire qu'ils prennent en compte maintenant la maternité. Il y a quand même maternité. Une évolution positive. Et il y a quand même pas mal en France, en tout cas, je sais. Floriane Hott, la femme de Nicolas Navarro. Qui a eu un enfant il n'y a pas longtemps, elle est chez On et elle est toujours sponsorisée. Maintenant il y a des clauses quand même dans les contrats, ou même je sais dans les équipes de handball à Metz, tout ça, il y a des choses aussi pour les accompagner. Ça évolue quand même, hein. Ça va dans le bon sens quand même, à votre avis. Et ben, merci pour votre témoignage. Défi sport sur Fadjet. Alors ça sera tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés, merci Violaine, Alice et Lise, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport.